bien longtemps, dans un village de l'Inde, une petite chèvre et un prêtre. Le prêtre voulut sacrifier la chèvre au dieu. Alors qu'il levait le bras pour lui trancher la gorge, la petite chèvre se mit à rire. Le prêtre s'interrompit, stupéfait, et demanda à la chèvre « Pourquoi ris-tu ? Ne vois-tu pas que je vais te trancher la gorge ?»« Mais si, » dit la chèvre, « après 499 réincarnations sous la forme d'une chèvre, je renaîtrai sous la forme d'un être humain. » Puis la petite chèvre se mit à pleurer. Le grand prêtre demanda « Pourquoi pleures-tu maintenant ?» Et la chèvre répondit « Pour toi, pauvre prêtre. » Il y a 500 vies de cela, j'étais moi aussi grand prêtre et je sacrifiais les chèvres aux dieux. Le prêtre tomba à genoux et dit « Pardonne-moi, je t'en supplie. Désormais, je serai le protecteur de toutes les chèvres du pays. » Bouddha vint au monde, voici 2500 ans, dans un petit royaume de l'Inde. Comme le voulait la coutume en ces temps anciens, sa mère, la reine Maya, regagnait la demeure de ses parents pour donner le jour à son enfant. Le voyage était long pour la reine. Aussi, la caravane royale s'arrêta-t-elle en chemin pour qu'elle se repose à la lisière d'une vaste forêt. Dans une sorte de transe et se souvint d'un rêve étrange qu'elle avait fait le jour où elle avait conçu son enfant. Dans le rêve, un éléphanteau était apparu à son chevet pour la bénir de sa trompe. Maya s'était profondément enfoncée dans les bois quand elle ressentit soudain les premières douleurs de l'enfantement. On raconte qu'un arbre, comprenant l'importance du moment, se pencha lentement sur elle pour lui offrir la protection de son feuillage et le soutien de ses branches. Presque sans douleur, d'un garçon à la peau brillante et dorée. Il était tout à fait éveillé, ses yeux étaient grands ouverts, et il était assez vigoureux pour se tenir debout tout seul. Je suis venue pour atteindre l'illumination et libérer toutes les créatures de la souffrance. Et l'on raconte que les lotus fleurissaient sous ses pas. Le père de l'enfant, le roi Suddhodana, nomma son fils Siddhartha, ce qui veut dire « celui par qui le bien arrive ». Puis il donna une grandiose réception pour présenter son fils au peuple. Au beau milieu de la cérémonie, et à la surprise générale, un hôte inattendu se présenta. C'était Asita, ermite révéré et grand astrologue, que nul n'avait vu depuis des années. Lorsque Asita regarda l'enfant, la reine Maya vit que les larmes lui montaient aux yeux. Ne vous tourmentez point, ô reine. Les larmes sont celles d'un vieil homme, conscient qu'il ne vivra pas assez longtemps pour entendre les enseignements de votre enfant. Mais sera-t-il un grand roi ? Il sera le maître de l'univers, ou son rédempteur. Dans son grand âge, Asita, il pourra être un guide tel que toi s'il le souhaite. Mais je veux avant tout qu'il suive mes traces. Et apprenne à régner. Peut-être en sera-t-il ainsi. Mais les dieux ne respectent pas toujours les vœux des simples mortels. Mon fils sera roi. Mon fils sera roi! Maya fut emplie d'un étrange pressentiment, comme si elle avait su, elle aussi, qu'elle ne vivrait pas assez longtemps pour voir s'accomplir le destin de son fils. Une semaine plus tard, un mal terrible la frappa. Au Prajapati, ma chère sœur, veille sur cet enfant comme s'il était ton fils. Maya. Il était le jeune prince Siddhartha. Et il épousa la belle princesse Yashodhara. Il devint un cavalier et un archer accompli. Et très souvent, il jouait avec ses amis au kabaddi. Ah bon ? Alors il passait tout son temps à jouer avec ses amis ? Eh oui. One tiggly. Le roi avait offert 3 palais à Siddhartha. Un pour l'hiver, un pour la saison des pluies et un pour l'été. Il espérait ainsi que son fils n'apprendrait jamais à connaître ni la souffrance ni l'angoisse. Mais un jour, Siddhartha entendit un chant mystérieux d'une lancinante beauté. D'abord, il ne parvint pas à savoir d'où il venait. Ce chant était dans une langue que jamais encore il n'avait entendue. Que disait-il? Que signifiait-il? Quel est ce chant? Il vient d'un pays lointain, Seigneur. Il évoque les beautés de la contrée qu'elle a connue dans son jeune âge. Les montagnes et les lacs, dont le souvenir la hante. Que cela est étrange. De tels pays existent-ils? Des pays aussi beaux que le nôtre? J'ai entendu dire qu'il n'y a que souffrance par-delà ces murailles. Qu'entends-tu par souffrance? Tu es le fils chéri de notre monarque. Il nous a donné tout ce dont nous pouvions rêver. Qu'irais-tu chercher au dehors, toi qui as tant de beauté autour de toi? C'est vrai, j'ai tout ce que je veux et toutes les choses que je vois sont parfaites. Alors, d'où vient ce sentiment que j'éprouve? Si le monde est si beau, pourquoi faut-il le cacher? Je n'ai jamais vu ma ville, ma propre ville. J'ai besoin de connaître le monde, Yashodhara, de mon propre regard. Voir le monde. En secret, toutefois, son père avait préparé à l'avance tout ce qu'il verrait, afin que rien dans la ville ne risque de troubler ou d'inquiéter Siddhartha. Tout le monde devait être jeune et en bonne santé. Thank you. l'ai encore jamais vu. Chana! Chana! Qui sont ces hommes? Dis-moi qui ils sont. Seigneur, ce sont des hommes comme nous, qui furent nourris comme nous du lait de leur mère. Pourquoi ont-ils cette apparence? Ils sont très vieux, Seigneur. Que veux-tu dire? Très vieux? C'est que l'âge détruit la mémoire, la beauté, la vigueur. C'est ainsi que nous finirons tous. Quoi, nous tous? Toi et moi? Pourquoi vous souciez de ces choses, Monseigneur? Mais où conduit-on ces hommes? Chana! Non, Monseigneur, n'y allez pas. Je vous en prie, il ne faut pas. Non, Seigneur! Seigneur! Seigneur Siddhartha! Ces gens qu'ont-ils donc? Et cette femme, pourquoi pleure-t-elle de la sorte? Elle souffre beaucoup, Monseigneur. Elle est très malade. Malade? Qu'est-ce que c'est? Nul n'atteint le moment de la mort sans avoir un jour ou l'autre été malade. Même les rois? Et la mort, c'est quoi ce moment qu'on appelle la mort? Montre-moi la mort. Monseigneur, voici la mort. Confiés au fleuve, Monseigneur. Thank you. mort est le moment de la séparation, qui frappe tous les membres de chaque famille. Quand le corps devient froid et dur comme le bois, alors tel le bois, on le brûle. Siddhartha apprit l'existence de la douleur et découvrit la compassion. Ils étaient lui et il était eux. Oh, mon père, pourquoi m'avoir caché la vérité pendant si longtemps ? Pourquoi ne m'avoir jamais parlé de l'existence de la souffrance, de la maladie, de la pauvreté, de la vieillesse et de la mort ? Si je t'ai menti à propos de toutes ces choses, Siddhartha, c'est parce que je t'aime. Ton amour est devenu une prison. Comment pourrais-je continuer à vivre ici comme avant, quand tant d'hommes souffrent à l'extérieur ? Tu n'avais jamais souhaité connaître l'extérieur. Père, il faut que je trouve une réponse à la souffrance. Si tu devais me trahir, moi, Siddhartha, n'aurais-tu pitié de l'épouse que tu laisses avec ton fils nouveau-né ? Mon fils est venu au monde ? Cette nuit même. Pense à eux, Siddhartha. Te voilà devenu père à ton tour. Songe à ton devoir. Tu ne peux plus partir. L'amour que j'ai pour Yashodhara et pour l'enfant n'est rien en comparaison de la peine que je ressens à l'idée qu'à leur tour, il leur faudra souffrir, connaître la vieillesse et mourir. Comme vous, comme moi, comme nous tous. Oui. Nous devons tous mourir. Et renaître. Et mourir encore. Mourir, puis renaître. Et puis mourir et renaître encore. C'est une malédiction que nul être au monde ne peut lever. Alors c'est cela qui sera ma tâche. Car cette malédiction, je vais la lever. Que l'on ferme les portes, que l'on double la garde. Si le prince tente de s'échapper, qu'on l'en empêche par la force. Son père, Siddhartha alla voir son épouse et son fils nouveau-né. Il avait le cœur déchiré, mais l'esprit résolu. Comme ils étaient beaux tous les deux. Mais ils dormaient, alors que lui était éveillé. Jana. Comme par enchantement, le palais fut plongé dans un épais brouillard. Jana. Hommes et bêtes avaient sombré dans un profond sommeil. Jana. Jana. Jana. Jana. Jana. Jana, debout. Quoi? Vasily Kanteka. Vasily Kanteka, que personne ne te voie et attends-moi à la vieille porte. Allez. Très bien, Seigneur. Seuls les grands éléphants sont éveillés, monseigneur. Le monde entier rêve, Jana. Mais pour Siddhartha, le rêve touchait à sa fin. Le long voyage de son éveil commençait. Qui sont ces gens? Des voleurs? Non, seigneur, des ascètes. Des ascètes? Pourquoi sont-ils si maigres et nus? Ils ont renoncé au bien de ce monde, monseigneur. Ils ont fait vœu de demeurer dans la forêt tant qu'ils n'auront pas atteint à l'illumination. L'illumination? C'est pour toi. Jana, je fais cela pour nous tous. Je cherche la liberté. Oh, mon noble Seigneur, ayez pitié. Je n'ai rien, je ne suis rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Puis le prince, ayant ainsi offert son dôti au mendiant, partit seul dans les bois. Et l'on raconte qu'un arbre fut touché par sa compassion. Et comme il l'avait fait au jour de sa naissance, s'inclina profondément pour l'honorer. Et les cinq Samyazim, témoins de ces miracles, furent emplis d'émerveillement. Ils devinrent les premiers disciples de Siddhartha. Six années durant, Siddhartha et ses disciples vécurent dans le silence, sans jamais quitter la forêt. Pour toute boisson, ils avaient la pluie. Pour toute nourriture, des graduries sauvages, une écuelle de boue ou les fientes des oiseaux de passage. Pour maîtriser la souffrance, ils fortifiaient leur esprit pour oublier le corps. Puis, un jour, Siddhartha entendit un vieux maître de musique qui passait en bateau sur le fleuve dire à son élève: si tu tends trop la corde, elle casse. Si tu ne le tends pas assez, elle ne sonne pas. Siddhartha comprit soudain que ces paroles toutes simples recelaient une grande vérité. Et que pendant toutes ces années, il s'était engagé dans une mauvaise voie. Une petite paysanne offrit un bol de riz à Siddhartha. Et pour la première fois depuis des années, il mangea normalement. Mais quand les ascètes virent leur maître se baigner et se nourrir comme une personne ordinaire, ils se sentirent trahis, comme si Siddhartha avait abandonné la grande quête de l'illumination. Et manger avec moi. Tu as trahi ton vœu, Siddhartha. Tu as abandonné la quête. Nous ne pouvons plus te suivre. Et rien apprendre de toi. Apprendre, c'est changer. La voie de l'illumination est celle du milieu. Elle est la ligne entre les extrêmes opposés. Si j'atteins l'illumination, que cet écuelle remonte le courant. La grande vérité que Siddhartha avait découverte, celle qu'il allait enseigner au monde. Siddhartha a atteint l'illumination sous cet arbre ? Ah oui ? En tout cas, un arbre comme celui-ci. Lama ! Lama, c'est vrai ? Elle dit que l'arbre de Siddhartha, il était comme celui-là. Oui, il lui ressemblait probablement beaucoup. C'était aux abords du petit village de Bodh Gaya. Siddhartha s'était assis sous un grand arbre, comme celui-ci. Il avait trouvé la voie du milieu et son corps avait retrouvé la vigueur. Alors, cinq jeunes filles lui apparurent. On aurait dit cinq villageoises innocentes. Mais en réalité, c'étaient les cinq filles de Mara, seigneur des ténèbres. Elles incarnaient l'esprit de la cupidité, de l'orgueil, de la peur, de l'ignorance et du désir. Et Mara les avait envoyées pour tenter Siddhartha et le détourner de sa quête. Thank you. Je vais m'approcher d'eux. Mara avait essayé de tenter Siddhartha de la façon la plus habile, en déguisant les tentations de la vie sous les apparences les plus simples. Mais Siddhartha regardait au-delà des apparences, au-delà du présent. Alors Mara laissa libre cours à sa colère. Mara semblait vaincu, mais en fait, il n'avait pas encore renoncé au combat. Et voilà qu'il attaquait de nouveau. toi qui vas où jamais encore nul n'a osé aller, puis-je t'appeler mon Dieu, architecte? Enfin, je te rencontre. Tu ne reconstruiras pas ta demeure. Mais regarde-moi, je suis ta demeure. Et toi, tu vis en moi. Ô Seigneur de mon égo, tu es pure illusion. Tu n'as aucune existence. La terre en témoigne. Siddhartha avait gagné la bataille contre une armée de démons par la seule force de son amour et de son immense compassion. Il était parvenu au grand calme qui précède le détachement des émotions. Il était parvenu au-delà de lui-même. Il était au-delà de la joie ou de la douleur. Il avait dépassé sa propre raison et pouvait désormais se rappeler qu'il avait été une fillette, un dauphin, un arbre, un macaque. Il pouvait même se rappeler sa première naissance et les millions d'autres qui l'avaient suivi. Il voyait bien au-delà de l'univers. Siddhartha avait vu l'ultime réalité, la réalité de toute chose. Il avait compris que chaque mouvement de l'univers est un effet provoqué par une cause. Il savait qu'il n'était point de salut sans la compassion pour tous les autres êtres. Alors, Siddhartha fut appelé le Bouddha, l'éveillé.